L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Prochainement à l'affiche, la pièce d'actualité numéro 3, 81 avenue Victor Hugo, une pièce qui a été coécrite par Olivier Coulonge-Ablanca, notre invité, Barbara Mettet-Chastaignier et Camille Planier. Mise en scène par Olivier Coulonge-Ablanca, une pièce qui a été créée, si j'ai bonne mémoire et surtout si j'ai bien lu, en 2015. Alors, l'histoire part d'une... Première question, j'ai cru comprendre. D'abord, une commande proposée par le Centre National Dramatique d'Aubervilliers autour d'une question que je livre à nos auditeurs. La vie des gens d'ici, qu'est-ce qu'elle vous inspire à votre art, vous, artiste que vous êtes, Olivier Coulonge-Ablanca? Vous avez répondu à cette question par une création. Oui, le fait que ce soit une commande, ça a rebondi sur le processus de production et de création. Donc, en effet, on a travaillé de façon un peu, on peut dire... hasardeuse, puisqu'on s'est d'abord promené dans Aubervilliers, on a eu beaucoup d'hypothèses de travail, et ce que ça apprend peut-être, c'est en effet de faire avec le réel, avec les rencontres. Et en l'occurrence, pour cette pièce, on s'est arrêté au 81 avenue Victor Hugo, qui est le lieu d'un ancien pôle emploi qui est occupé par 91 personnes sans papier, et on a eu envie de travailler avec eux pour répondre à cette commande. Donc c'était l'actualité de leur lutte dans ce lieu, et on s'est dit que le théâtre, pour une fois, pouvait un peu en rabattre, peut-être formellement, mais en tout cas se mettre vraiment au service de ces personnes-là. Ce qui a permis aussi de ne pas être dans une chose instrumentale. Et voilà, y compris sur la reprise, c'est des choses qu'on discute avec les comédiens. Voilà, il se trouve que le lieu existe encore, avec un certain nombre de soucis, mais que pour l'instant, on a décidé de continuer à la jouer, cette pièce. Les pièces d'actualité, ce sont des manières nouvelles de faire du théâtre, avez-vous dit et écrit? Alors la question qui me vient évidemment à l'évocation de cette expression, doit-on parler de modernité ou de renouveau du théâtre? Je sais que la question est subtile. Oui, en fait, le programme de... La perspective en fait qui a été posée par Marie-Josée Malice, la directrice du Théâtre de la Commune, était très ambitieuse, puisqu'elle pose vraiment sur la question aussi d'un renouveau des formes. Donc je dirais que dans le processus de travail, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Ça se passe dans le terrain, sur des choses assez empiriques. Alors après, évidemment, formellement, ça crée quelque chose. Mais je dirais qu'on n'a pas travaillé comme ça. On n'a pas travaillé pour révolutionner l'art du théâtre du tout, en fait. On a essayé... La question qui s'est posée à nous très vite, c'est que ces personnes-là, on avait envie de les voir sur le plateau, raconter les histoires qu'elles nous avaient déjà décrites. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était une impossibilité pour elles d'être présentes sur un plateau de théâtre, puisqu'elles sont sans papier, qu'il était donc impossible de leur faire un contrat de travail. Et ça a été le point, disons, de départ de ce projet-là, cette difficulté-là. Et il faut dire que le Théâtre de la Commune a eu le courage d'accompagner aussi ce projet, qui n'était pas facile d'emblée. Pas facile, parce que autour d'un collectif d'immigrés, survenus principalement de deux régions du monde, la Côte d'Ivoire pour l'Afrique, le Bangladesh pour la partie Asie. L'histoire, vous avez dans l'écriture plongé ou restitué l'histoire de 8 d'entre eux, c'est bien ça? Oui, voilà, ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est que pour la plupart, ils sont agents de sécurité ou maître chien. Donc non seulement ils n'ont pas le droit d'être visibles, mais en plus ils travaillent quand même pour l'État. Certains racontent même qu'ils ont travaillé pour la préfecture. Hein. On sait qu'il y a des boîtes de sous-traitance de sécurité. Donc ça, c'est une chose qui nous a vraiment intéressé, cette contradiction à la fois comme agent de la loi et aussi personne en situation de clandestinité. Mmh. Parcours donc et histoire de 8 d'entre eux, ce fragment de leur destin où la solidarité peut côtoyer la violence, et c'est vraiment pris sur le vif, sur la vie pour de vrai. Oui, on a décidé de travailler avec 8 personnes qui représentent évidemment les 91 personnes et qui plus largement racontent aussi la situation d'autres collectifs de sans-papiers qui sont en lutte aujourd'hui. Ils ont des situations très différentes les uns les autres. Certains sont là depuis 10 ans, d'autres venaient d'arriver. Le spectacle a deux parties. Il y a d'abord le trajet, donc parfois ils mettent des années avant d'arriver ici. C'est un long périple. Un vrai parcours. Voilà, avec évidemment des vraies difficultés pour eux. Et puis arrivés ici, ils découvrent qu'il y a un autre temps qui commence, qui est le temps de l'administration française, puisqu'on leur dit qu'il va falloir attendre 10 ans avant d'espérer pouvoir être régularisé. Donc c'est cette actualité-là qu'on a évidemment voulu rendre sur le plateau. C'est une forme assez courte qui est liée aux conditions de production de ce spectacle. Et du coup, très, très ramassée, très, très condensée. Parcours d'exil, parcours de migration, des sujets dont on entend continuellement parler aujourd'hui. Et plus les jours passent, effectivement, plus on apprend des parcours qui se sont terminés dans la Méditerranée, qui est devenu un véritable cimetière aujourd'hui. L'exil, c'est aussi les questions d'hospitalité. Tout ça, ça transparaît, ça transpire dans le spectacle. Oui, c'est ce que vous dites. Le geste de départ, c'est un geste d'hospitalité. C'est l'idée aussi de... Voilà, moi, j'ai une compagnie de théâtre que j'ai mis en... Non pas en sommeil, mais disons que là, cette fois-ci, ce ne sont pas des acteurs qui racontent ça. Même si, évidemment, il y a une part de jeu et de théâtralité. Donc, c'était l'idée aussi de laisser un théâtre d'État, à l'époque c'était le théâtre de la commune d'Aubervilliers, de faire venir ces personnes-là sur le plateau. Dans le dossier de presse, j'ai relevé une expression que vous avez soulignée justement pour, non pas expliquer ou justifier votre création, mais vous nous rappelez à la mémoire collective la chose suivante: l'exil, c'est la nudité du droit, comme l'écrivait Victor Hugo, notre auteur le plus lu, auteur français qui est le plus lu aujourd'hui toujours, et pourtant il l'a écrit il y a un siècle. On a l'impression que on se heurte toujours à cela un siècle plus tard. Oui, c'est les cas d'exception, hein. C'est l'arbitraire et la règle. Victor Hugo, c'est intéressant, il a été en exil, il a écrit dessus, hein. C'est des choses... on leur avait fait lire du Victor Hugo à un moment donné, on pensait même inclure des extraits dans le spectacle, et puis on a préféré enlever et rester sur leurs paroles, à eux exclusivement. Rester sur leurs paroles, est-ce que ça nous interroge aujourd'hui? Est-ce que des questions qui traversent la société aujourd'hui, quelle place accorder à l'étranger, car il s'agit bien de cela, à quelles conditions, si on apporte des éléments de réponse, et surtout, quand on parle de conditions, c'est conditions de vie, conditions de travail, c'est pas simplement obtenir un droit. Oui, et puis après, quand je parle de paroles, c'est vraiment pour leur laisser... le spectacle, c'est écrit à partir de leurs mots, donc c'est pas des chiffres, c'est pas journalistique comme traitement. Et on est au théâtre, donc il y a un temps qui est particulier, qui est celui, en effet, d'une comparution qui n'est pas celle d'un interrogatoire non plus, puisqu'on a... Évidemment, on a procédé par question dans le matériau documentaire qu'on a amassé. Tout ça est enlevé et on obtient des blocs de récits, des monologues. Et voilà. Quand je présentais le spectacle, j'indiquais pièce d'actualité numéro 3, 81 avenue Victor Hugo. Ça suppose qu'il y a eu d'autres pièces avant et qu'il y en aura d'autres après. Oui, c'est un programme qui a été posé par le Théâtre de la Commune. Donc il y a d'autres expériences, d'autres laboratoires qui se font sur la ville d'Aubervilliers. Les traitements sont très différents. Les habitants sont parfois sur le plateau, parfois c'est des comédiens qui rejouent ces paroles. Et c'est un cycle qui va continuer, oui. Avenue Victor Hugo, le numéro 81, vous nous l'avez dit, c'est un lieu emblématique sur la commune d'Aubervilliers, c'est le Pôle emploi. Pourquoi avoir choisi cet endroit-là particulier pour situer cette pièce? Ah, c'est l'endroit où ils vivent, en fait. C'est le titre et le nom de l'adresse. D'accord. C'est toujours un pôle emploi en même temps? Non, c'est une ancienne agence de pôle emploi qui a été occupée. Voilà, quand on a commencé la création, c'était un lieu dont on ne savait pas s'il existerait encore. Il existe pour l'instant, il n'a pas vocation à perdurer, puisque comme ils le disent, ils demandent des papiers pour pouvoir justement prendre un logement. Le vrai problème, c'est les papiers aujourd'hui pour eux. C'est pas un problème de logement, mais sans papiers, on ne peut pas prendre de logement. Donc ils occupent ce lieu. Sujet relativement grave, comment on en fait une pièce de théâtre? Comment on passe effectivement de cette réalité au spectacle présenté sur une scène de théâtre? Bon, déjà, je dois dire que dans les récits qu'on a collectés, le ton n'était pas toujours grave. Les choses qui sont dites sont évidemment parfois terribles, mais il y a une façon de le raconter qui nous a intéressés. Et puis après, il y a... Eux-mêmes sont déjà des fois dans un usage du théâtre, c'est-à-dire que l'un d'eux, par exemple, raconte que pour passer l'aéroport en Grèce, ils se costument, ils empruntent des costumes parfois d'un autre collègue agent de sécurité pour pouvoir voilà, circuler dans la ville, etc. Donc ça reste du théâtre pour moi, et puis le contrat qu'on a passé avec eux dès le départ, c'était on va faire du théâtre ensemble, ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'on fasse une pièce documentaire. Donc il y a une mise à distance, je dirais, avec une forme de frontalité, comme ça, de rapport au public. Mais il n'y a pas du tout l'idée non plus d'une forme de témoignage authentique. Il a fallu réapprendre le texte, évidemment, comme un texte étranger pour eux, ce qui les a beaucoup surpris. Et voilà, je pense que c'était assez... Les répétitions se sont passées de façon assez joyeuse, en vérité. Un grand bonheur à être là. Et il y a eu déjà des représentations. Quelles ont été les réactions que vous avez recueillies à ce moment-là ? Bon, on avait très peur au moment de la création. C'était en 2015, je crois que c'était un peu plus tard quand même. Ça fait un an et demi qu'on l'a créé. On avait très peur et le public a été très saisi, je pense, parce que, bon, c'est pas non plus... Comment dire ? C'est pas le divertissement. Oui, mais c'est pas à charge non plus. Je veux dire, c'est pas une pièce qui met le public dans un rapport. C'est pas un manifeste. C'est un théâtre militant dans le processus de fabrication et dans les choses qui se sont nouées avec eux, dans les déplacements qu'on a opérés, etc. Mais dans le rapport au public, c'est un rapport assez doux, je crois. Deux représentations pour le public ici à Cergy-Pontoise, le mardi 18 octobre à 19h30, le mercredi 19 octobre à 20h30, à l'apostrophe Théâtre des Arts à Cergy Centre. C'est un spectacle qui est présenté dans le cadre du Festival d'automne à Paris et qu'il y aura à cette occasion une rencontre avec l'équipe artistique et Stéphane Lecourant, docteur en ethnologie autour de la thèse « Vivre sous la menace, ethnographie de la vie quotidienne des étrangers en situation irrégulière en France ». Et cette rencontre aura lieu le mardi 18 octobre à 20h45 à l'issue de la représentation. Quel est l'apport pour vous d'une telle rencontre avec le public, avec Stéphane Lecourant ? Bon, nous, le spectacle, il s'est construit sur une situation très locale, vous voyez, avec très précise. Et je pense que c'est ça la force du spectacle. Je pense que Stéphane pourra aussi avoir un regard plus panoramique sur la situation des sans-papiers en France, qui est quand même une vieille question aujourd'hui. Hein. Voilà, là, les routes qu'ils empruntent, pour certains, ce sont des routes qui ne sont plus pratiquées aujourd'hui. Hein. Certains sont arrivés en France il y a 10 ans. Donc la situation a changé. Donc je pense qu'il pourra donner plusieurs perspectives voilà, sur la situation hier, aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour bien se découvrir cette pièce, la pièce d'actualité numéro 3, 80 avenue Victor Hugo, sur une mise en scène d'Olivier Coulon-Jablanca.